Chapitre 7. Hostilité de Georges contre Ram. Quand Ramor Amor s'était retiré avec Pélagie et Geneviève, Georges avait suivi son père dans la bibliothèque, qui était en même temps son cabinet de travail. Il s'assit pensif dans un fauteuil. « Papa, dit-il, pourquoi avez-vous gardé ce vilain nègre ?»« Monsieur Dormer. » »« Pour faire plaisir à Geneviève, qui paraissait désolée de devoir le quitter. » Georges. « Bah, Geneviève a vécu sans lui depuis 3 ans qu'elle est chez nous, elle s'en serait bien passée comme auparavant. » Monsieur Dormer. « Et puis, par pitié par ce pauvre homme qui lui est si attaché. » Georges. « Il serait retourné dans son pays, il est affreux ce nègre, moi je ne veux pas qu'il me touche. » Monsieur Dormer. « Sois tranquille, il n'aura rien à faire pour toi, tu ne le verras même pas. » Georges. « Alors il faut que vous lui défendiez de servir à table. » « Avec ses vilaines mains noires, il est dégoûtant. » Monsieur Dormer. « Il ne servira pas à table. Je ne compte pas en faire mon maître d'hôtel. » Georges. « C'est ennuyeux tout de même qu'il soit chez nous. » Monsieur Dormer. « Mon cher ami, tu as tort de prendre ce pauvre homme en aversion. Pense donc qu'il a fidèlement servi mon frère et sa femme pendant 5 ans, qu'ils m'en ont raconté de beaux traits de dévouement et d'attachement. » Georges. « Mais papa, ce n'est pas une raison pour le garder chez nous. » Monsieur Dormer. Je trouve que c'est une raison suffisante. Je veux qu'il reste près de Geneviève et je te prie de ne plus m'en parler. C'est un mauvais sentiment que tu témoignes. Je voudrais t'en voir des meilleurs, surtout au moment de nous séparer. Georges ne dit plus rien. Il prit un livre et fit semblant de lire, jusqu'au moment où la cloche du dîner sonna. Geneviève rentra dans la salle à manger en même temps que son oncle. Elle courut à lui le visage rayonnant de bonheur et lui baisa la main. « Monsieur Dormer. « Tu es donc bien contente d'avoir ton Ram, ma chère petite ?» Geneviève. « Oh oui, mon oncle, si contente que je sens mon cœur qui saute dans ma poitrine. Tu verras, Georges, comme il est bon et complaisant. Quand tu auras envie de quelque chose, tu n'auras qu'à le lui demander. Il te l'aura tout de suite. » Georges avec humeur. « Je n'ai besoin de rien et je ne lui demanderai rien. D'ailleurs, c'est bête ce que tu dis. Est-ce que ce nègre qui n'a rien, qui n'est pas chez lui, mais chez papa, peut m'avoir un cheval, un éléphant, un fusil, un meuble ?» Geneviève riant. « Mais non, ce n'est pas cela. Je veux dire, te dénicher un nid, te faire une jolie canne avec une baguette cueillie dans le bois, des choses comme ça. » Georges leva les épaules sans répondre. Geneviève n'y fit pas attention. Elle crut l'avoir convaincue, et elle se mit à raconter avec animation quelques-unes des aventures de Ramor Amor. Monsieur Dormer souriait. Georges lui disait de temps en temps une parole désagréable, comme « Il est joliment bête, ton nègre !» ou bien « Ce que tu racontes n'est ni drôle ni amusant. Tu ennuies papa avec tes sottes histoires. Auras-tu bientôt fini avec ton noireau ?» Geneviève finit par s'apercevoir de la mauvaise humeur de Georges. Elle s'arrêta tout court et le regarda avec surprise. Geneviève. « Qu'as-tu, Georges? Tu as l'air fâché. Est-ce que je t'ai dit quelque chose de désagréable? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, Georges, dis, je t'en prie. » Georges. « Je te prie de me laisser tranquille. Tu m'ennuies depuis que nous sommes à table avec ton vilain Ram. Je n'aime pas les nègres, moi, et surtout celui-là. Ainsi, je te prie de ne plus m'en rabâcher les oreilles. » Geneviève devint rouge comme une cerise. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle se tut. Monsieur Dormer sévèrement. « Georges, tu réponds grossièrement et sottement à ta cousine. Je te prie à mon tour de ne pas prendre ce ton avec elle. » Georges. « Bon, voilà que vous me grondez à cause de ce vilain nègre. » Monsieur Dormer. « Taisez-vous, monsieur, ou sortez de table. » Georges aurait voulu sortir de table, mais on allait servir des glaces aux fraises et puis des cerises qu'il ne voulait pas laisser échapper. Il se tut donc et ne souffla plus un mot. Geneviève garda aussi le silence et M. Dormer pensa qu'il était trop dur pour son fils, que c'était mal de le reprendre si sévèrement pour des propos d'enfant. « C'est singulier, se disait-il, que ce soit toujours Geneviève qui amène des désagréments à mon pauvre Georges. Cette petite fille, qui est bonne pourtant, brouille tout mon intérieur. Elle est cause que, 2 ou 3 jours avant le départ de Georges, je suis obligée de lui faire du chagrin en le grondant. Pauvre Georges !